Alter Ego Plus, niveau 2. Méthode de français, achète livre. Dossier 1, j'ai des relations. Leçon 1, mon alter ego. Activité 3. 1. Pierre, c'est mon confident. C'est l'ami à qui je confie tout. Mes problèmes, mes doutes sur mes relations amoureuses. Il est de bons conseils. Il m'aide à comprendre certaines attitudes que peut avoir mon chéri. On s'est rencontrés chez des amis. On a tout de suite été complices. On n'a jamais été amoureux l'un de l'autre. Mais les gens ne nous croient pas. 2. Charlotte est une bonne copine, mais elle est tout le temps déprimée. Elle n'arrête pas de se plaindre. J'essaie de l'aider, mais c'est moi qui rentre à la maison déprimée. 3. Je déjeune tous les jours avec Aurélie. On parle du boulot, bien sûr, de la vie de l'entreprise. En plus, elle connaît ma vie, on se fait pas mal de confidences. Mais on ne se voit jamais à l'extérieur. Je crois qu'elle appartient à cette partie de ma vie, c'est tout.